Amélie Mauresmo, balayée cette nuit par l'italienne Penetta, mais la joueuse veut repartir sur du positif quand même, puis essayer de mettre ce match-là derrière soi le plus rapidement possible. Voilà.